1963, le président Kennedy est assassiné à Dallas. La France aussi porte le deuil. Le même jour, Piaf et Cocteau font des millions d'orphelins. La morbide actualité n'empêche pas à Annie Chancel, faite chez là par Claude Carrère, d'agiter ses couettes et d'annoncer que l'école est finie. Salut les 60, bienvenue sur Radio Guémozo. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est pas nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis. Y a-t-il y pensé? Ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie. Au petit matin, devant un crème, nous pourrons parler de notre vie, laissant au tableau tous nos problèmes. Promise me, darling, your love in return. May this flame in my heart, dear, forever burn. Well, now, baby, my heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear. Keeping you is my goal. I'll forever love you. The rest of my days I'll never part from you and your loving ways. Keeping you is my goal. I'll forever love you.

1968. À Paris, les étudiants cherchent la plage sous les pavés. L'aérien Jean-Claude Chilly et l'équipe de France s'imposent aux Jeux Olympiques de Grenoble. Alouette, alouette. McDonald's propose son Big Mac. Truffaut signe le troisième volet de la saga Lionel. 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick fascine des générations de cinéphiles. Zanetta édite les fauteuils sacs remplis de billes de polystyrène. Pierre Perret immortalise la gouaille des banlieues. Triomphe caricature le week-end. L'escafé désormais vendu en granulé. Twiggy, la cover girl anglaise, a les yeux plus gros que le ventre et dévore les couvertures de magazines. Sergio Leone impose le spaghetti western et oppose le bon, la brute et le truand. Qui rit avant les gastronomes en culotte courte et le Concorde monte le bout de son nez. Bouche à demi ouverte, elle te souriait, elle semblait offerte à tous ceux qui passaient. Je la trouvais trop belle, j'aurais voulu être elle, pour que tes yeux me regardent comme ils la regardaient. Allongée sur la plage, ses longs cheveux défaits, était-elle un mirage qui soudain t'aveuglait? Je la trouve trop belle, j'aurais voulu être elle, pour que tu veuilles de moi comme tu la voulais. Je fais de même à ta place, aurais-je tout quitté à ta place, appuyé contre toi, heureuse et consentante, t'emmenant loin de moi, lointaine, indifférente. Je la trouvais trop belle, j'aurais voulu être elle, pour te faire autant souffrir que je souffrais alors. Pour te faire autant souffrir que moi je souffre encore. François Hardy, j'aurais voulu, nous étions en 1963, la baguette de pain coûtait 0,30 francs et la taxe de télé s'élevait à 85 francs. Une taxe qui s'élève en ce début de siècle à... Non, je vous le dirai pas le montant, je vous laisse plutôt faire la comparaison vous-même. Yeah.

soir vous sortez pour flirter avec l'espoir de vouloir vous placer. Alors twisté, comment vous a montré, je suis certaine vous gagnerez. Sauter de temps en temps, ensuite vous pouvez c'est très lentement, tout en conservant le balancement. Ça y est, vous l'avez maintenant. Voilà, c'est ça, oui, ça, voilà. Bien changé, rien, voilà. Parfait, vous twistez. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88200 Saint-Étienne, les Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Jolie petite Cheia, jolie petite Cheia, c'est toi qui as pris mon cœur. Je disais que l'amour ne durait jamais lorsque je t'ai rencontré. Jolie petite Cheia, jolie petite Cheia, dans tes yeux d'enfant me cœur, j'ai trouvé ce qu'au fond de moi j'attendais sans vouloir l'avouer. Avant toi je ne vivais pas, et j'étais triste à mourir. Maintenant que tu es près de moi, je sais enfin sourire. Jolie petite Cheia, jolie petite Cheia, c'est toi qui as pris mon cœur. Je disais que l'amour ne durait jamais lorsque je t'ai rencontré. Jolie petite Cheia, jolie petite Cheia, dans tes yeux d'enfant moqueur, j'ai trouvé ce qu'au fond de moi j'attendais sans vouloir me l'avouer. Dans les rues, quand on voit le Cheia, tous mes amis m'envient. Je crois qu'ils ont compris qu'avec toi, je vais faire ma vie. Jolie petite Cheia, jolie petite Cheia, c'est toi qui as pris mon cœur. Jolie petite Cheia, qui m'a apporté l'amour, je te garderai toujours. Je te garderai toujours. Je te garderai toujours. Lucky Blondo, Cheia, c'est l'adaptation du super tube de Tomero, version originale, que je vous propose d'écouter. Premier match, premier choix pour vous sur Radio Guémozo. Sheila, man,

say. She went walking 30 miles in the fall. Brown eyed and man, that's a nation for a brown eyed man. Way back in 2000, this is the world we've been. A whole lot of good women changed here for a brown eyed man. Man, that lot of trouble was a brown eyed man. Mother told her daughter to go out and find yourself a brown-eyed handsome man. But your daddy was a brown-eyed handsome man. When in the mall, old Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She knocked through the home in the room and asked her when a brown-eyed handsome man. She called him on herself a brown-eyed handsome man. Well, the truth came to count in the bottom of the hill, the high line in the sand. Around the 30 was a home, it was a brown-eyed handsome man. Gérard, c'est vraiment bon. Dry my eyes.

Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi, ese mulato que mide 7 pies y que pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, ya llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi. ¿Qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. ¿A mí? ¿Tú me tienes miedo? No me digas que si te tienes miedo, porque yo no soy de los que creen a cualquiera. Más grande que yo, no hay ninguno. Ja, ja, ja. Vamos bajando. Sigan y sigan bailando, bailando. Sigan el Guatusi. Sigan y sigan bailando, bailando. Sigan el Guatusi. Sigan y sigan bailando, bailando. Sigan el Guatusi. Sigan y sigan bailando, bailando. Sigan el Guatusi. Para bailar el Guatusi. Sigan bailando, bailando. Sigan el Guatusi. Caballero, sigan. ¿Le tiene miedo a Guatusi? Ja, ja, ja. 7 pies, grande y feo. A correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatusi, muchacho. Es que no oye, corre. No, no, no. Cuando el Guatusi llega y dice, yo soy el guapo, usted enseguida saca la estaca y dice, bueno, oye, ¿qué es lo que pasa? Y enseguida el Guatusi se aplaca y se va para allá, porque el Guatusi todo es bla, bla, bla, bla, bla. Así que a mí no me cuela ese cuento. Tonight I'm alone without you, my dear. It seems as long for you still. But I'll just keep it there so I won't be alone in a little cabin home on the hill. Where someone has taken you from me and left me here all alone to listen to the rain. We don't have no pain in a little cabin home on the hill. Yeah. Thank you.